Chapitre 56. Les frissons du début. Dimanche 1er mai 2050, Saint-Denis, France. La deuxième phase de la Japan Masters League commence avec, notamment, cette rencontre des YNWA Reds et l'Ernik Spurs. Traduction version 2014, Liverpool-Tottenham. Le public a désigné son 11 de départ, Faitsan n'en fait pas partie. De son côté, Tutov 76 n'a pas fait le voyage. C'est avec des yeux d'enfant que Faitsan entre sur la pelouse. Le stade francilien peut désormais contenir 100 000 spectateurs. Il est justement plein à craquer. On a de tout. Des Français venus voir un beau match, mais aussi deux belles colonies anglaises, que ce soit les Liverpooliens ou les Londoniens. Mais les premiers à se faire entendre, ce sont les Reds, avec leur traditionnel « You'll never walk alone », qui donne des frissons. Faitsan en est même terrifié. Il reste debout, sans réaction à la sortie du tunnel. Un membre du staff est obligé de le chercher et l'accompagner. Il est escorté jusqu'au banc de touche par Robbie Fowler, devenu son mentor. Faitsan regarde partout dans l'enceinte française et sait qu'il peut être en danger. Il repense au coup de feu dont il a été la cible il y a quelques semaines. C'était dans cette même ville. Mais il est en sécurité sur ce banc avec les quatre autres remplaçants. Il est aux premières loges pour voir sa franchise jouer, et pourquoi ne pas espérer rentrer en jeu? Les supporters sont énormes. Ils prouvent leur titre de meilleur public du monde. Les Spurs sont beaucoup plus dominants sur le terrain, mais on sait que les Reds peuvent faire un hold-up. À noter que lors de la tournée sud-américaine, les NYWA Reds avaient battu l'Ernik 3-1. Il faudra confirmer ce soir. Ils peuvent compter sur les chants des supporters Reds. Malgré cela, la mi-temps est sifflée sur un score nul et vierge. Et tout cela se poursuit. On ne peut pas dire que les gardiens sont excellents, mais les attaquants ne leur donnent pas l'occasion de s'illustrer. Toujours pas de but, et nous jouons la 75e minute. Fowler montre son smartphone à Faitsan et lui signale qu'il est en tête des bonus assignés aux remplaçants des Reds et qu'un titulaire a atteint son quota de malus. Au prochain arrêt de jeu, il ira sur la pelouse, sans échauffement, sans pouvoir cogiter sur le danger qu'il encourt. Il ira prendre le poste de défenseur latéral droit. On sent la peur, la pression et l'émotion dans la voix de Faitsan quand il acquiesce à sa future entrée en jeu. Il retire sa veste de survêtement et montre désormais son maillot, floqué avec le numéro 98. Un symbole pour tout Français, surtout dans ce stade rempli d'histoire. Le ballon sort en touche, on vérifie les crampons de l'élu, et il peut faire ses grands débuts en Japan Masters League. Dans les autres rencontres, les scores sont déjà connus. Le Bayern Komundor a battu la Finosa Valencia à Barcelone. United Clubu a été étrié par l'Exur Bianconeri à Dublin. Le KAM City est allé jusqu'au bout du suspense à Prague en battant le King Club Uralkoli lors de la séance des tirs au but. En cas de victoire, les Reds auraient 4 points au classement total et seraient à une longueur du podium et à 3 des deux leaders. Chapitre 57. Il ne marche pas seul. C'est la folie, hein, Saint-Denis. Lorsque Faitsan s'est levé, on a entendu les premiers sifflets dans les travées du Stade de France. Certains ne semblent pas lui avoir pardonné son expulsion face au Japon lors de la demi-finale du Mondial 2050. Mais très vite, les vrais supporters de Liverpool se font entendre. Ils n'ont qu'un objectif, encourager le nouveau membre de la famille. Quand Faitsan patiente pendant la sortie de son coéquipier, il perçoit des supporters scander qu'il ne marchera pas seul. C'est la boule au ventre que Faitsan entre en jeu. Il a les larmes aux yeux et ne craint plus ses détracteurs. Aujourd'hui, il entre officiellement dans une famille qui est prête à tout pour lui. En contrepartie, il est prêt à tout pour cette franchise, pour ce clan. Il va se battre pour eux. Faitsan a marché dans la tempête et a gardé la tête haute. Il n'a plus peur du noir. Il sait qu'à la fin de ce marasme, il y aura un ciel d'or et le doux chant d'une alouette. Il marche à travers le vent, la pluie, même si ses rêves ont été ballottés et soufflés au loin. Il a marché avec l'espoir dans son cœur. Aujourd'hui, les NYWA Reds lui font une promesse. Il ne marchera jamais seul. You'll never walk alone. Sa famille, ses amis, son coéquipier, Totov 76, ses partenaires en équipe de France, tout le monde regarde ce moment magique à la télévision. C'est un guerrier, un mort de faim qui occupera le couloir droit. Tellement aveuglé par cette envie qu'il oublie que c'est à lui d'aller effectuer la remise en jeu. Il a 15 minutes pour s'imposer, pour prouver à la franchise qu'ils n'ont pas fait de bêtises en le faisant signer, en lui faisant confiance et en lui donnant l'occasion de porter ce maillot rouge. Pour ses premiers ballons au pied, il montre de belles choses, mais on voit qu'il y a une classe d'écart entre lui, amateur il y a quelques mois, et les professionnels rodés. Ça ne l'empêche pas d'aller faire un joli rush dans son couloir pour centrer et trouver la tête d'un attaquant. Le tir du Liverpoolien passe au-dessus de la barre transversale. Il reste 6 minutes et le score est toujours à 0-0, mais l'entrée de Faitsan a amené du punch à la rencontre. Si le score venait à rester ainsi, nous aurons le droit à une séance de tir au but. 3 minutes plus tard, Faitsan tire un corner à droite. Son centre est renvoyé par la défense londonienne vers la ligne de touche. Le Français récupère son ballon et veut centrer. Il déchire totalement, son centre est trop tendu. Son ballon ne trouve personne, mais flotte toujours. Le gardien des Spurs a déserté sa cage pour préparer une éventuelle sortie aérienne. La destination du cuir du ballon est assez surprenante. La balle est toujours dans les airs, toujours aussi tendue. Mais il semble se diriger vers la lucarne du gardien de Lernik. Oui, le centre était tellement brouillon qu'il s'est transformé en tir cadré, puis en but. À 3 minutes de la fin du match, Faitsan marque sans doute le but de la victoire, son premier avec les NYWA Reds, son premier hors sélection dans une compétition officielle. Le public est heureux et Faitsan exulte. Il est sur une autre planète. La fin du match est sifflée et Faitsan est le héros du match. Les joueurs regagnent les vestiaires, tels des robots qui ont accompli leur mission. Le Français refuse de les rejoindre et va fêter la victoire avec les supporters Reds. En voyant cela, il est rejoint par 5 autres joueurs. Une scène unique pour ce qu'est devenu le football aujourd'hui. Il y a un énorme fossé qui sépare le public et les joueurs. Cette communion montre que Faitsan n'a pas oublié d'où il vient. Il fait donc la fête avec les supporters venus nombreux au Stade de France. Il lève les bras au ciel et organise un clapping avec les supporters. Reds est scandé dans un silence de cathédrale au rythme des claquements de mains. Si tout cela devenait un rituel. Faitsan a marqué des points, il est devenu la révélation sur le terrain et par la même occasion le chouchou du public liverpoolien. Chapitre 58. Prise de risque. L'euphorie retombée, Faitsan a l'autorisation de ne pas retourner à Liverpool pendant la trêve internationale. Il restera dans la capitale française pour préparer le prochain match des Bleus face à Jersey. Il prendra part à ce match international malgré les risques de blessure. Dans d'autres équipes, il aura l'interdiction formelle d'aller jouer en sélection. Mais chez les YNWA Reds, ils ont compris qu'en s'imposant avec le maillot national français, il fait une bonne pub pour les Reds. Et puis il n'est plus naturalisable, ni britannique ni japonais. Mais le fait de rester en France n'est-il pas trop dangereux pour lui? Sa tête est mise à prix par une personne très menaçante et téméraire. Il est resté seul à l'hôtel parisien. Personne ne peut le protéger. On frappe à sa porte. La psychose s'empare de lui avant de demander l'identité de son futur interlocuteur. Il s'agit de la femme de ménage. Au même moment, Faitsan a reçu un appel d'un ami français pour sortir dans les rues de Paris. Il laisse sa chambre libre pour l'entretien et part rejoindre Paris by Night. La capitale française n'est plus la ville attractive du passé. Certains touristes ont décidé de l'éviter pour privilégier des endroits plus sûrs. Traîner dans Paris n'est plus très rassurant, surtout après le coucher du soleil. Depuis quelques années, un groupe de casseurs agresse bon nombre de personnes afin d'établir un climat de terreur en France. Sans se soucier de cela, Fightson veut juste se vider la tête. Ils s'amusent comme s'ils avaient 15 ans. Fightson n'hésite pas à étaler qu'il est très fortuné grâce à son métier de footballeur. Les dollars PF présents sur sa carte bleue, l'argent n'existe plus en 2050, s'écoulent petit à petit, comme le liquide de leur bouteille d'alcool. Après cette soirée très arrosée, Fightson et son ami quittent la boîte de nuit qu'ils ont occupée. Mais sans s'en rendre compte, le footballeur se retrouve seul dans ce coin de ruelle sombre. Il est très vite entouré par 6 inconnus. Ils sont cagoulés et munis de battes de baseball. Ils n'ont qu'une envie. Dépouiller celui qui s'est pavané dans cette boîte en indiquant qu'il était footballeur dans une grande franchise. Si à l'occasion ils peuvent lui casser une jambe, ça serait parfait. Sont-ils liés à celui qui veut la peau du français? Personne ne le sait, et à ce moment c'est le cadet des soucis du footballeur. Ce climat aide Fightson à dessouler. Il est désormais conscient, mais ne sait plus trop ce qui lui arrive. Il essaye de communiquer, en vain. Le plus petit de la bande inflige une droite au héros des YNWA Reds, qui est immédiatement au sol. Il est seul à terre face à 6 hommes armés jusqu'aux dents. Chapitre 59 De pire en pire. Mais un autre groupe semble avoir été alerté par le boucan fait par les délinquants. Ils sont 16 et peuvent prendre facilement le dessus sur les agresseurs de Fightson. Pendant la discussion, le footballeur français entend un langage qui lui est familier. Ses sauveurs parlent anglais. Et, heureux hasard, ce sont des supporters des YNWA Reds. Après avoir fait éloigner les 6 Français, les YNWA Soldiers aident Fightson à se relever. Ils indiquent aux Français qu'il est assez déconseillé de se promener la nuit dans Paris et qu'en plus, il faut le faire incognito et ne pas montrer sa fortune. Le sauvetage est terminé par une phrase, la même depuis qu'il est dans la famille. « You'll never walk alone ». Fightson est conduit par ses nouveaux amis, ses soutiens, ses supporters, à son hôtel. Une chose est sûre, il est entouré par une belle famille composée de milliers d'anges gardiens. Arrivé dans l'ascenseur de l'hôtel, il est traversé par un mauvais pressentiment. Il ne sait pas pourquoi son ami s'est éclipsé bien avant son agression. Il ne sait pas pourquoi celui-ci a attendu l'arrivée de la femme de ménage pour lui proposer de sortir. Un vent de paranoïa souffle dans le cerveau de Fightson. Justifié? Il le saura dans quelques minutes quand il franchira le pas de sa porte. Bon pressentiment, puisqu'en arrivant dans sa chambre, tout y est saccagé. Il n'a plus rien. On lui a volé son chéquier, ses crampons, ses effets personnels. Plus effroyable, en ouvrant la porte de la salle de bain, il trouve la femme de ménage nue, ligotée et inanimée. Son histoire bascule dans une autre dimension. Pris de panique, il quitte l'hôtel sans savoir quoi faire. Il est 5 heures. Alors que Paris s'éveille, Fightson marche dans la rue sans savoir ce qui lui arrive. Son histoire devient un film d'horreur. Alors qu'il a échappé de peu à une agression qui aurait pu lui être fatale, il a retrouvé une scène de crime dans sa propre chambre. Le footballeur est soudain pris de remords, car il n'a pas contacté la police pour signaler ceci. Il décide d'aller dans le commissariat le plus proche. Arrivé sur place, le personnel à l'accueil a l'air stressé et lui demande de patienter. Il est ensuite reçu par une personne qui le remercie de s'être rendu. S'être rendu? Oui, car le service hôtelier s'est rendu compte de la boucherie dont sa chambre a été le théâtre. Et comme ses affaires n'étaient plus présentes sur place, qu'il a fui l'hôtel sans notifier les responsables, et surtout l'absence d'avertissement auprès de la police de sa part, font de Fightson le coupable idéal. Après d'énormes rebondissements, le footballeur est aujourd'hui accusé de meurtre. La garde à vue et son éventuel futur enfermement pourraient le priver du prochain match international qui se jouera dans 5 jours. Mais Fightson a des alibis en béton. Il était accompagné d'un ami dans les rues de Paris. Il s'est fait remarquer dans une boîte de nuit. Et surtout, il a au moins 16 témoins. Mais le problème est que son ami ne donne plus signe de vie, que personne en boîte de nuit ne confirme sa présence. et le groupe liverpoolien est totalement sans nom pour Fightson. Pour la police, les faits sont simples. La femme de ménage est entrée dans la chambre, le footballeur a frappé celle-ci avant de la dénuder, la ligoter et la frapper. La corpulence de l'agent d'entretien vient même à justifier l'énorme bleu qu'il a à la mâchoire suite au coup de poing qu'il aurait reçu la veille. Pour la police, elle aurait pu essayer de le frapper pour se débattre. Surtout que les images de Fightson, tricheur et dopé, ne jouent pas en sa faveur. Les footballeurs gagnant trop d'argent sont réputés pour être des habitués des frasques, comme des copier-collés de Mario Balotelli. Il s'agit du coupable idéal. L'opération destruction de carrière n'est pas terminée pour son détracteur. Aujourd'hui, il envoie son meilleur ennemi en prison. Chapitre 60. Comment être innocenté? Le seul espoir pour Fightson d'être sorti de ce pétrin repose sur le groupe des Reds venu l'aider la veille. Mais il ne connaît aucun de leurs noms. Il propose à la police d'éplucher les noms des membres VIP du club YNWA Reds. Mais celui-ci est composé de plus de 30 millions de membres. Les appeler un à un serait comme contacter chaque habitant du Pérou en 2012. L'effort n'est pas faisable. Il faudra compter sur le volontariat des personnes à venir témoigner. Mais comme le message est passé en français, les supporters anglais ne seront pas forcément sensibles. C'est un énorme cauchemar pour Fightson. Il est jeté en prison pour un crime qu'il n'a pas fait. Mais il commence à douter si tout cela n'était qu'un rêve. S'il avait été drogué par un membre du personnel hôtelier pour rêver d'une sortie nocturne, alors qu'en vrai, il se transformait en bête avec cette pauvre agent d'entretien. Le doute plane, mais Fightson sait qu'il n'a pas fait cela, en son âme et conscience. La personne en charge du dossier reçoit un appel. Le commissariat a eu un témoignage assez important. Le président de la franchise des YNWA Reds sera présent dans leurs locaux pour prouver l'innocence de leurs joueurs. Phil Thompson Jr. fait son arrivée. Il salue les membres du personnel et prend Fightson dans ses bras. Il tient dans son smartphone la preuve irréfutable que Fightson n'est pas coupable du meurtre dont il est accusé. Tout d'abord, il souhaite expliquer une chose. Tout joueur s'engageant dans la Japan Masters League a une clause dans son contrat acceptant de se faire traquer durant la durée de son bail. Ici, les YNWA Reds avaient placé un micropuce sous la peau de Fightson. Le joueur était au courant de ceci, mais ce détail lui avait échappé tellement cela paraissait banal pour lui. Thompson propose à un juge présent de visionner le signal GPS de la présence de Fightson lors de cette soirée, ainsi qu'une représentation holographique du footballeur. Ainsi, on a pu voir que Fightson était bel et bien en boîte de nuit et qu'il n'est pas à l'origine de ce cruel assassinat dont il est accusé. Le plaidoyer est terminé par le traditionnel « You'll never walk alone » à l'intention de son poulain. Fightson peut sortir de garde à vue et est officiellement innocenté. Il peut remercier son patron. Ce dernier lui indique également que le groupe des 16 Liverpooliens n'était pas là par hasard. Son agression avait été signalée via cette représentation holographique et une alerte avait été lancée à tous les supporters membres de la YNWA Family présents dans les environs. Fightson est tiraillé entre le sentiment d'être soulagé, d'être autant protégé, et le sentiment d'être épié 24 heures sur 24. Ici, c'est tout bon pour lui, mais chacun de ses gestes sont observés par son patron. Quand on lui dit qu'il ne marche jamais seul, c'est car il est constamment suivi. En tout cas, son détracteur n'a pas réussi à le mettre en prison. Fightson pourra prendre part à la rencontre des Bleus contre Jersey dans 5 jours. Il ne sera sûrement pas à 100%.